Voici, en une heure, des extraits de Pierre et Jean, roman de Guy de Maupassant, publié en 1887. Choix des textes, résumés et enregistrements de Jean-Paul Alexis, janvier 2019.